Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le bain de sang de 1956 aux Jeux de Melbourne. Je me suis tourné vers l'arbitre pour lui demander des explications et c'est à ce moment que j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. Puis en me retournant de nouveau, j'ai reçu un coup de poing au visage. J'ai aussitôt vu des étoiles. J'ai ensuite porté la main à mon visage et j'ai senti le sang couler. Il m'avait frappé très fort et je saignais beaucoup. Quand le joueur étoile de l'équipe hongroise de waterpolo, Ervin Zadar, reçoit un coup de poing en pleine figure du joueur soviétique Valentin Prokopov à la toute fin du match de demi-finale de waterpolo des Jeux de Melbourne en 1956, une bagarre générale éclate dans la piscine olympique. Quelques semaines seulement, après la dure répression de l'insurrection hongroise de 1956 par les soviétiques, la demi-finale de waterpolo des Jeux de Melbourne se transforme en véritable bain de sang, ce qui fait que ce match passera à l'histoire. En 1956, sont célébrés les Jeux de Melbourne. Depuis septembre 1952, le CIO est présidé par Avery Brundage. Son long règne à la présidence sera orageux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses premiers Jeux se déroulent d'ailleurs sous le signe du drame. Au défilé d'ouverture, il manque plusieurs pays. La Chine populaire, entre autres, qui refuse de côtoyer la Chine de Taïwan et quitte le CIO. Elle n'y reviendra qu'en 1979. Sur la scène mondiale, c'est l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique, la bataille du canal de Suez, et un peu partout, on se bat. On parle même de retarder les Jeux. Mais Brundage déclare, les Jeux sont une compétition entre individus, non entre nations. La flamme olympique, allumée par Ron Clark, éclaire un monde de plus en plus inquiet. Extrait du documentaire « Les Jeux olympiques », cette oasis de paix diffusée à la télé de Radio-Canada en avril de 1980. C'est dans ce contexte particulier que vous entendiez dans cet extrait que se déroulent les Jeux de Melbourne en 1956. Et c'est dans ce contexte déjà particulier que le match de demi-finale de waterpolo qui oppose la Hongrie et l'URSS va se transformer véritablement et littéralement en bain de sang. Pour nous parler de ce match qui va passer à l'histoire, je reçois mon collègue journaliste sportif Robert Frozy. Robert, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à Aujourd'hui l'Histoire. Revenons d'abord sur ce contexte général. C'était évoqué dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Sur le plan du sport, sur le plan de l'olympisme, quand l'olympisme, au fond, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, quand l'olympisme, le sport, se mêle à la politique, on est en plein là-dedans en 1956. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que si on revient un petit peu en arrière, c'est l'insurrection hongroise, ce sont les troupes russes qui vont envahir la Hongrie et avec 25 000 morts. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que... Quelques semaines auparavant. Avant l'ouverture des Jeux. Absolument, absolument. Et donc, il y avait déjà des boycotts d'annoncer. Je pense aux Pays-Bas, on a parlé de la Chine, mais il y avait aussi les Pays-Bas, la Suisse. Et même l'Espagne franquiste de l'époque va boycotter les Jeux. C'était une contestation, en fait, générale. Les Russes... On les attendait, mais on les attendait pas pour les ovationner, parce qu'ils étaient les auteurs de ce massacre. Massacre, on l'a vraiment appelé comme ouais. Celui-là. Et d'ailleurs, à la cérémonie d'ouverture, Robert, la tension est très, très, très palpable. Quand l'équipe hongroise arrive, c'est le triomphe. Ah, oh, ils sont acclamés. Ils sont acclamés et... A contrario, bah quand l'équipe russe va rentrer, l'équipe soviétique, ouais. Doit-on rappeler, va rentrer, eh bien, c'est le silence. Et là, on envoie déjà un message. Déjà, la population australienne, je vous dirais, a choisi son camp. Et on va le voir d'autant plus durant le match où elle va carrément prendre position contre les Russes. Mais il faut resituer aussi ce que pouvait être l'importance aussi de ce match. C'est que les Russes voulaient mettre dans l'eau, en plus voulaient continuer, passez-moi l'expression, leur massacre. Ouais. Ils voulaient continuer dans l'eau, en fait, mettre fin à la suprématie hongroise. Ouais. Parce que le waterpolo, évidemment, chez nous, ça nous parle un petit peu, mais imaginez la série du siècle au hockey. Bah, c'était exactement ça. On voulait mettre fin à une domination hongroise. Oui, parce qu'au-delà de... C'est important de le dire, il y a bien sûr cette insurrection qui a été très, très durement réprimée par les soviétiques quelques semaines avant l'ouverture des Jeux. Ça, c'est dans la tête de tout le monde. C'est dans la tête, évidemment des joueurs de l'équipe de water-polo hongroise. Mais au-delà de ça, déjà, il y a entre ces deux équipes, les Hongrois dominent ce sport-là, il y a entre ces deux équipes une grande rivalité, indépendamment de ce qui s'est passé fin octobre, début novembre à Budapest et en Hongrie. Ah, c'est clair, c'est clair. Les Hongrois sont les champions du monde. Ils ont tout gagné, en fait. Et à chaque fois, les Russes, imaginez quand vous êtes juste à deux doigts d'aller remporter une victoire, de mettre fin à cette domination, j'allais dire dynastie même, oui. Du water polo. Eh bien, c'était ça le contexte. Et vous allez voir jusqu'où ça a été pernicieux. C'est que pendant l'occupation russe en Hongrie, donc quelques semaines, quelques mois avant donc les Jeux Olympiques de Melbourne, eh bien, les Russes vont en profiter pour s'emparer en fait des stratégies. Imaginez ouais. jusqu'où ça a été, des stratégies de water polo. Donc des Hongrois et les Hongrois qui, eux, veulent régler définitivement, laver, plus que l'affront, mais cette insurrection qui a été brisée dans le sang par les Russes, eh bien on veut régler aussi ouais. en leur disant, bah, écoutez, nous on domine et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a appris le russe. Ouais. Ils et vont donc, s'en servir de ça dans la piscine. Ils vont essayer de déstabiliser d'ailleurs l'équipe. Mais l'équipe avant russe. De sauter dans la piscine, Robert, encore juste un petit mot, parce que c'est loin, et c'est loin dans le temps, et c'est loin par rapport à notre contexte culturel. Il y a cette rivalité qui existe déjà entre ces deux équipes, indépendamment de l'insurrection de 56. Elle est réelle, cette rivalité. Les Hongrois, les Russes, depuis des années, veulent les battre. Et l'autre truc qu'on oublie, qu'on perd de vue d'ici, c'est que le water polo, vous parlez de la série du siècle, dans les pays de l'Est, c'est un peu le hockey, là. C'est un sport très, très suivi. C'est clair. Et je vais vous dire, c'est que ce sont des stars, ce sont des héros. Tous ces joueurs, ils sont tous connus, en fait, en Hongrie. Et imaginez ce contexte où on va utiliser ce match, finalement, pour régler des comptes ouais. qui ne se règlent pas d'habitude dans l'enceinte sportive. Ben, on y vient, justement, à ce contexte précis de ce match, de cette demi-finale de water polo aux Jeux de Melbourne en 1956, Hongrie contre Union soviétique. Écoutez, le joueur étoile, celui qui est un peu au centre de ce bain de sang du 6 décembre 1956, Ervin Zadar, il raconte le contexte qui précède la partie du 6 décembre à l'antenne de la BBC World Service au mois d'août 2011. We felt that we were playing for Hungary. Nous sentions que nous jouions pour notre pays, la Hongrie. C'est difficile à expliquer, mais nous n'étions pas hostiles envers les joueurs soviétiques. Ils étaient des pions, comme nous l'étions nous-mêmes parfois. Mais à cause du contexte, tous les regards étaient tournés vers nous. Les Hongrois éprouvaient une profonde hostilité envers l'URSS, alimentée par tout ce que notre pays avait subi depuis 1945. Une fois arrivés en Australie, tout est devenu bizarre. Nous nous sommes réunis avant le match et le mot d'ordre était d'éviter la bagarre. Nous savions qu'il y aurait de la provocation verbale de part et d'autre, mais nous nous disions ceci, si les Russes se fâchent, ils vont vouloir se battre. Mais s'ils se battent, ils vont mal jouer et nous allons gagner le match. Ça, c'est fascinant. Vous l'aviez un peu évoqué. Ils ont l'avantage, les Hongrois, de parler le russe. Donc, cette bagarre, avant de d'en venir au point, ça se joue dès le début du match, à coups d'invective. On se parle, on se provoque. Comment ça se passe, ce match-là? C'est très agressif. Il faut situer ce match donc du 6 décembre 1956. En fait, la Russie n'a pas le choix de gagner, de battre la Hongrie, sinon c'en est fini de l'or, puisque les Yougoslaves, il y avait trois puissances, hein, il y avait la Yougoslavie, l'URSS et la Hongrie. Les Yougoslaves avaient battu en fait les Russes 2-1, donc il fallait cette victoire pour les Russes, sinon c'en était fini de la médaille d'or. D'ailleurs, les Hongrois qui étaient les champions olympiques en titre, et donc on en est donc à cette pour conserver donc cet espoir de médaille, les Russes se doivent de gagner. Donc climat tendu, agressif depuis le début du match, ouais. des deux côtés. Mais en fait, les Hongrois n'avaient qu'un seul objectif. Pas juste de remporter l'or, d'humilier, en ouais. fait, les Soviétiques dans l'eau. Aller gagner ce qu'on avait perdu quelques semaines auparavant dans un bain de sang. Et dès le début, ça joue dur. Oh, ça joue tellement dur que le public australien va immédiatement se ranger derrière l'équipe hongroise. Et évidemment, ça vous donne, un gain supplémentaire pour éventuellement... Et il y a des coups vicieux. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce sport, il y a des coups absolument vicieux. On se blesse littéralement. Ce qui est toujours le cas au waterpolo. C'est un sport très physique, effectivement, mais là, ça prend une dimension. Les gens ne sont pas dupes. Ouais. Et le public australien n'est pas dupe. Sait qu'il se passe quelque chose dans l'eau qui n'est pas du ressort du sport. Et ça s'insulte. Je reviens là-dessus. Oui, ça s'insulte. Alors, c'est ça qui était fabuleux. C'est qu'on pensait qu'il y avait cette domination russe qu'on avait déjà réglée, entre guillemets, en mettant à bas l'insurrection hongroise. Mais c'était sans compter sur la subtilité hongroise qui avait effectivement appris le russe pendant l'occupation, les Russes pensant avoir acquis tous les stratagèmes, toutes les stratégies du waterpolo hongrois pour essayer de finalement de les battre. Eh bien, on va s'apercevoir qu'il se passe le contraire, que cette volonté et cette possibilité pour les Hongrois d'avoir appris le russe va déstabiliser, parce qu'ils vont savoir exactement ce que les Russes se disent entre eux. Ouais. Et ça, c'est un avantage. Ouais. C'est un avantage considérable quand on joue l'un contre l'autre, parce que c'est immédiat, le water polo. Et ça finit par déraper complètement. Il reste une minute au compteur. C'est la minute du match. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, la Hongrie mène 4-0. Waouh, vous parlez d'humiliation. Oui, oui, oui. Et l'auteur des deux buts, entre autres, c'est celui qu'on a entendu, Ervin Zadar. Et à un moment donné, on a l'impression qu'on veut le sortir du match. Même si on est mené 4-0, vous savez que ça va les revirements sont assez rapides aussi au water polo. Et voyant l'humiliation arriver de 4-0, il reste que quelques minutes, il y a la frustration qui commence à s'installer chez les joueurs russes et notamment chez Valentin Prokopov qui va effectivement frapper Zadar. Carrément. Et là, mais plus que carrément, il saigne abondamment et en sortant de l'eau, on va voir qu'il a effectivement une coupure sous l'œil et les spectateurs, alors là, sont choqués. Étaient déjà choqués parce qu'ils sentaient qu'il y avait cette agressivité. Le public australien ne va pas être dupe. Et là, va commencer, non pas à quitter les gradins pour sortir de l'enceinte sportive, mais quitter les gradins pour s'avancer vers Incroyable. La piscine. Et on va devoir interrompre le match. Le match n'est pas fini. Dans les dernières minutes de jeu, on veut faire sortir le public, carrément, parce que le public a choisi son camp et veut régler aussi le compte, entre autres, de Prokopov, mais aussi de certains joueurs russes qui avaient été plus qu'indélicats pendant le match. Et pendant ce temps, dans la piscine, à partir du moment où Zadar est frappé, sort de la piscine en sang, ça se bagarre, les autres joueurs s'y mettent. Non, mais c'est non seulement une mêlée générale, mais le public, et là aussi, la police intervient. Ouais. C'est quand même assez surréaliste. On a vu des situations similaires, peut-être pas aussi dramatiques que celle-là, mais dans le water polo, on a vu effectivement des fois des enceintes sportives qui se transforment un peu comme au soccer, là, où il y a des débordements. Mais là, c'était du jamais vu. Donc, on laisse carrément la minute s'écouler. Absolument. Et le résultat final, c'est 4-0. La Hongrie remporte cette demi-finale. Ils remporteront la finale cette année-là à Budapest. Sans Zadar, il est tellement durement frappé qu'il ne participera pas à la finale. Il participera à la finale, une finale que les Hongrois vont gagner et donc vont garder ce titre olympique. Alors, il y a effectivement, après, tout un jeu qui va jouer, jeu médiatique, etc., parce que la Russie vient de se faire humilier. Ouais. Vient de se faire humilier dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire de ce match dans les médias du monde entier, Robert? D'abord, c'est l'image. Ouais. C'est la force de l'image. Déjà, à l'époque, imaginez, la photo de Zadar au visage ensanglanté va faire le tour du monde. Évidemment, les Magyars, les Hongrois vont s'en servir, vont se servir de cette image. C'est non seulement le symbole de la vedette frappée, mais héroïque. Oui. Et donc, on va vendre cet héroïsme, si vous voulez, cette victoire hongroise. Et finalement, on va s'apercevoir que les Soviétiques, eux, vont mettre un petit peu, passez-moi, de l'eau dans leur vodka en disant, on veut amoindrir, si vous voulez. On dira que ça a été une erreur, etc., au niveau du visage, parce qu'on veut faire oublier l'humiliation du 4-0. Ouais. C'est surtout ça qu'on veut faire oublier. Ouais. Et donc, il va y avoir un jeu politique, là encore, qui va jouer. Mais imaginez cette photo qui va être puissante. Et on peut se poser la question, imaginez 30 secondes si la télévision couleur existait, l'impact que ça aurait eu. Parce que, véritablement, on se rend pas complètement compte, au-delà du visage ensanglanté, où là, effectivement, il y a un gros plan sur le visage de Zadar, mais dans l'eau, dans l'eau de la piscine de Melbourne, il y a du rouge. C'est vraiment... l'image, elle est proche de la réalité. C'est un bain de sang. Ah, complètement. Effectivement, en couleur, ça aurait été assez saisissant. Cette demi-finale va avoir aussi un impact politique, mais de manière très, très tangible, avec le climat qui règne dans le bloc de l'Est, dans cette Hongrie qui vient d'être durement réprimée par l'URSS après cette tentative d'insurrection, de révolution à l'automne 56. Il y a des joueurs qui se disent, on ne peut plus, avec ce qui vient de se passer dans cette piscine, on ne peut plus, on ne veut plus rentrer. Série de défections, là, des joueurs qui vont passer à l'Ouest. C'est clair, d'autant qu'en plus, on a installé un gouvernement pro-soviétique après avoir battu l'insurrection et après avoir surtout tué plus de 25 000 personnes. Et effectivement, les Hongrois, les joueurs, et il y a des joueurs hongrois qui se disent, on ne peut plus revenir décemment dans ce pays, on va se faire enfermer, on va se faire... Donc, effectivement, il va y avoir beaucoup de défections donc, du côté de... pas seulement des joueurs de waterpolo, d'ailleurs, hongrois, d'athlètes hongrois qui vont faire défections donc, après ce bain de sang de Melbourne. Formidable exemple, ce bain de sang de Melbourne à cette demi-finale de waterpolo, de cette politique qui, parfois, touche de très, très près au sport. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, de nombreux exemples, en fait, dans l'histoire des Jeux olympiques, où, justement, politique et sport se sont entremêlés très, très étroitement. Montréal, 1976. Une spectaculaire aubaine pour Cuba. Alberto Juan Torrena est l'incontestable favori du 400 mètres et il a déjà remporté le 800 mètres contre toute attente, établissant un nouveau record du monde. Dans la finale de 400 mètres, il affronte des Américains décidés à préserver leur chasse gardée malgré les pronostics en faveur du Cubain. D'ailleurs, dans le couloir numéro 5, Frederick Newhouse, des États-Unis, a cru un instant que l'Amérique allait pouvoir, grâce à lui, entendre son hymne national. Mais à 20 mètres de l'arrivée, son espoir de médaille d'or est fauché par le grand Cubain, qui dévore 3 mètres de piste à chacune de ses foulées. Alberto Juan Torrena, premier champion et du 400 et du 800 mètres aux Jeux olympiques, un des héros cubains qui présenteront à Fidel Castro 13 médailles conquises à Montréal. Extrait de l'émission Olympica, diffusée en avril 1996. On va terminer cette émission, Robert Frozzi, en évoquant quelques autres exemples où le sport se mêle étroitement à la politique dans le cadre des Jeux olympiques. Racontez-nous d'abord cette histoire, l'histoire de cette finale du 400 mètres à Montréal. En fait, les sprinteurs américains, vous savez, Cuba ne se parle plus. Il y a l'embargo qui est voté avec la crise des missiles en 1962. Et sur le plan sportif, les rencontres entre ces deux pays sont rares. Alors, on va retrouver les sprinteurs américains, évidemment, frondeurs, comme à leur habitude, vont arriver à Montréal en disant « on va faire une razzia de médailles ». Mais on ne connaissait pas véritablement les athlètes cubains, on ne les avait pas confrontés, puisqu'il y avait entre autres cet embargo. Alors d'abord, sur 800 mètres, celui qu'on surnomme El Caballo, le pur sang même, on devrait dire, qui repousse les assauts de Rick Walluter, et là va déjà surprendre. On vient d'enlever une médaille. Ouais. Aux Américains sur 800 mètres. Là, on est dans le sprint. On arrive aux 400 mètres et là, comme on l'entendait, il y avait Newhouse d'un côté, il y avait Fraser et dans les 50 derniers mètres, imaginez la remontée de Juan Torrena qui va rentrer dans la légende et surtout qui va dédier sa victoire au peuple cubain. Suprématie sur l'Amérique. Là encore, on vient, sur le terrain sportif régler des choses qui ne se règlent pas avec des diplomaties traditionnelles. Humiliation des Américains et puis un grand exploit. Jamais aucun sprinter n'avait réussi à remporter l'or à la fois aux 400 et 800 mètres. C'est vrai. Et en plus, on parle quand même de pas n'importe qui, Juan Torrena, qui va devenir docteur. Ensuite, Juan Torrena, imaginez, il va même réussir en médecine et il restera dans une légende pour avoir battu les imbattables à l'époque sprinteurs américains qui, effectivement, gagnaient tout sur leur passage et étaient imbattables. Autre exemple, et là, ça nous amène vraiment, mais on est en pleine guerre froide sur le terrain de l'olympisme, la finale de basketball, l'un des grands sports américains, qui oppose, je vous parle de guerre froide, États-Unis et URSS. Alors oui, c'est vrai, on est en plein dans la guerre froide. Et puis la détente a montré aussi ses limites. Faut dire que depuis 1936, où on a introduit le basketball aux Jeux olympiques, l'équipe américaine, encore une fois, était ultra dominante en remportant l'or. Et là, on est le 9 septembre 1972 et c'est bien parti. En fait, oui, c'est bien parti. En fait, là, on n'est pas encore dans ce qui va être l'attentat et ce qui va assombrir en fait les Jeux de Munich. Là, on est là. Et effectivement, encore une fois, les Américains dominent. Et on est à 3 secondes de la fin du match. Imaginez, les Américains mènent d'un point. À 3 secondes seulement. Au coup de sifflet final, Ben là, il se passe quelque chose, c'est que les Soviétiques se plaignent qu'on ne leur a pas accordé un temps mort. Alors, il va falloir revenir. 3 secondes vont être ajoutées au cadran. Et là, si bien que... on rajoute... Alors, il y a Capharnaüm, là, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, on rajoute ces fameuses 3 secondes. Mais seulement, le signal de la fin du match retentit une seconde avant. Les Américains sont déjà en train de fêter. Et là, évidemment, il y a des contestations. Les arbitres vont faire rejouer les 3 dernières secondes. Et cette fois-ci, les Soviétiques parviennent à marquer, remportent le match 51-50. Et d'ailleurs, les Américains ne viendront même pas chercher leur médaille d'argent. Imaginez, ils se voyaient vainqueurs, ils se voyaient encore dominés. Et là encore, sur le parquet, eh ben, ça s'est réglé à coups de ballon. Mais je peux vous dire que c'était un capharnaüm total, parce que personne ne comprenait ce qui se passait avec ces secondes rajoutées, ces secondes qui manquaient et ces secondes qu'on va finalement rejouer. Quelle histoire, quelle fin de match. Dernier épisode où sport et politique se mêleront de près. C'est intéressant parce que là, c'était un peu le cas au water polo en 56, mais là, vraiment, le public sera de la fête. Aux Jeux de Moscou en 80, la Pologne et l'URSS, finale au saut à la perche. Oui, on sent... bon, là encore, il faut contextualiser, on est dans les années 70, il y a un souffle de renouveau qui souffle sur la Pologne. Gangs, les grèves ouvrières, finalement, on va avoir la naissance de Solidarność, qui va être ce syndicat quasi impensable, même quelques mois avant, dans ce pays. On veut plus de la domination, évidemment. On veut une indépendance de la Pologne. C'est dans ce contexte, en fait, que 2 hommes vont s'affronter à la perche. Władysław Kozakiewicz, qui rivalise avec Konstantin Volkov, le chouchou du stade, évidemment. On est aux Jeux de Moscou. Et finalement, le Polonais qui va s'imposer avec 5,78 m, un record du monde. Il va y avoir un geste malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, il veut quand même montrer aux Russes que chez eux, on peut effectivement gagner et que chez nous, on est en train de gagner quelque chose aussi, c'est-à-dire notre indépendance. Et là, il va faire un bras d'honneur général à la foule. L'ambassadeur du RSS. Il a malmené tout du long. Ah oui, c'est clair. Ouais. On a essayé de le déstabiliser. Ouais. On l'a traité de tous les noms, etc. Le public était effectivement derrière Volkov. Et là, finalement, Kozakiewicz qui fait ce bras d'honneur. L'ambassadeur du RSS en Pologne demandera que le CIO retire sa médaille pour le geste qu'il a posé. Et finalement, la télévision d'État polonaise, est-ce que c'était déjà un signe avant-coureur, si vous voulez, d'un renouveau, parlera d'un spasme, d'un trouble musculaire de sa Kozakiewicz qui va devenir un héros national. Robert Frozy, journaliste sportif à notre radio et à notre télé. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.